J'ai largué ma copine quand j'ai eu 6 ans, marre de la routine et du quotidien. Pour une jeunette qui n'avait que 5 ans, un peu de nouveauté, ça m'a fait du bien. Pourquoi faudrait attendre 4 dizaines d'années pour faire la crise de la quarantaine? J'ai aussi balancé mes patins à roulettes. J'ai enfin cédé à la tentation de posséder de mes rêves la trottinette. Vautrer dans le luxe et l'ostentation. C'est trop monotone de respecter l'ordre, de suivre aveuglément la marche du temps. C'est bien plus amusant de tordre le cours normal des événements. Et si on me regarde bizarrement, parce que je suis hors de la piste, si on porte sur moi des jugements, dans le désordre je persiste. Je ferai ma crise d'ado à 60 ans et j'enverrai paître mes enfants en leur disant que décidément ils ne comprennent rien aux vieux de maintenant. Pourquoi faudrait-il quitter l'âge bête une fois qu'on n'a plus d'acné sur la tête? J'aurai un scooter ou une mobilette, je roulerai sans casque malgré ma calvitie. Je payerai 300 euros pour un survêt, j'aurai sûrement l'air con, et ben tant pis. C'est trop monotone de respecter l'ordre, de suivre aveuglément la marche du temps. C'est bien plus amusant de tordre le cours normal des événements. Et si on me regarde bizarrement, parce que je suis hors de la piste, si on porte sur moi des jugements, dans le désordre je persiste. Je commence à radoter à 30 ans passés. Mon Alzheimer précoce vient de commencer. Pourquoi attendre d'être sénile pour aller habiter dans un asile? Qui sait, j'aurais peut-être comme voisin de lit le président des États-Unis. Et si on me regarde bizarrement, parce que je suis hors de la piste, si on porte sur moi des jugements, dans le désordre je persiste. Un hiver, un printemps, un été, un automne, ça va finir par devenir monotone. Et si on me regarde bizarrement, parce que je suis hors des limites, si on porte sur moi des jugements, dans le désordre, je vous quitte, je vous quitte.